Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Monsieur Mauger pour le podcast sur l'art tant attendu, tant promis. Podcast du coup qui va avec un cours écrit. Le contenu des deux sont assez similaires. C'est juste, je pense, c'est peut-être plus simple et plus accessible de commencer par le podcast et ensuite, éventuellement, si besoin, de lire le cours écrit pour ancrer les choses que vous avez entendues. Mais du coup, c'est pas deux choses différentes. En tout cas, c'est déjà ça, rassurez-vous. Ce podcast-ci, ce fichier-là, c'est la première partie de deux. Il y a une deuxième partie plus courte que celle-ci pour conclure un peu le cours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et que j'essaye de vraiment reprendre toutes les étapes telles qu'on le ferait dans un cours en classe, avec différents moments basés sur des textes. Normalement, vous avez toutes les ressources nécessaires dans le cours écrit, si vous voulez lire plus précisément ce dont je parle. Là, j'essaie de résumer un petit peu rapidement, pour au moins avoir un petit topo global. On pourra en reparler en classe, bien sûr, pas trop longtemps, vu qu'on est en retard, mais un petit peu quand même, je pense qu'on le fera, une fois que vous aurez lu le cours. Donc, notez bien les questions que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire avant qu'on commence? Je crois que c'est le principal déjà, c'est pas mal. J'espère que ça va aller. Au niveau du son, vous allez voir, il y a peut-être quelques petits problèmes, mais rien de bien grave. Parce que parfois le micro, il fait des petits bruits et tout, mais je pense que normalement ça ne nuira pas trop à votre expérience d'écoute. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, tout ça, c'est, comme je le dis, une des séquences de l'année, une des dernières, une importante quand même, que vous pouvez mettre en lien avec la vérité, parce que c'est une autre façon d'accéder au réel par la création artistique, à la fois comment les auteurs se l'approprient, les auteurs, les autrices, les artistes, hein, se l'approprient pour en faire quelque chose, et à la fois aussi bah, ce que ça nous dit du monde, et puis bah, c'est aussi comment on le transforme, et c'est aussi une activité qui n'a pas un but aussi pratique que la science ou la technique, dont on parlera aussi. Donc voilà, c'est en lien avec toutes les autres notions, bien sûr, ça dialogue pas mal. Donc c'est intéressant. Puis en plus, c'est pour le coup, là, c'est de l'art, vous en consommez tous les jours. Donc ça vaut le coup, ça peut être intéressant d'y réfléchir un peu. Voilà, en espérant que ça vous passionne, comme d'habitude. Et puis, bah, bonne écoute. Alors, c'est une séquence sur l'art. L'art, c'est un mot que vous connaissez, qu'on entend souvent, dans deux contextes assez différents. En fait, si vous y réfléchissez un petit peu, même de vous-même, et vous avez, je sais pas, l'art plastique, les beaux-arts, les écoles d'art, mais il y a aussi, ce qui serait du coup un premier domaine, un premier sens du mot art, mais vous avez aussi l'art d'avoir toujours raison, l'art de la guerre, ah, il faut avoir l'art et la manière de faire quelque chose, qui n'est pas exactement, même si on pourrait s'y tromper, le même sens. En fait, le mot art, il vient du latin ars, ars, qui veut dire technique, et qui lui-même est une traduction du mot grec techné. Donc le mot qu'on a déjà vu dans la séquence sur la technique. Et du coup, il y a en fait l'art, la technique de faire quelque chose. Alors, il faut, oui, l'art d'être grand-père, je crois que c'est un bouquin de Victor Hugo, où il donne des petits tips pour être un bon papy. C'est pas la même chose qu'un musée des beaux-arts. C'est deux sortes d'art différents. Parce que dans un musée, si vous y réfléchissez, on va voir des œuvres d'art, mais elles nous enseignent rien. Il n'y a pas de technique. On n'apprend pas un truc concret et efficace comme ce qui est censé être une technique quand on regarde un tableau. Et pourtant, on peut désigner une technique comme un art et un tableau comme une œuvre d'art. Donc bah c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a à la fois l'artiste et l'artisan qui du coup pratiquent tous les deux une forme d'art, puisque l'artisan, il a l'art de faire quelque chose, et l'artiste, bah, c'est un artiste, il fait de l'art. Mais même si on emploie le même mot, ça ne veut pas dire la même chose. Déjà c'est relou, on est d'accord. Mais il faut essayer de comprendre cette distinction. Qu'est-ce qui sépare un artiste d'un artisan? Comment on définit une œuvre d'art? Et c'est déjà très vite en fait le premier problème qu'on va se poser dans ce cours. Je sais que les problèmes arrivent un peu vite là, il y a peu de définition, mais en même temps c'est un problème très concret et très bête et pourtant très important. Parce que définir une œuvre d'art, c'est vachement dur. Déjà parce que la définition a changé au cours de l'histoire de l'humanité. On ne pensait pas l'œuvre d'art comme on la pense aujourd'hui. Oh, c'est pas français la phrase, je la refais. On ne pensait pas une œuvre d'art il y a 20 ans, il y a 2000 ans, comme on la pensait aujourd'hui. Et les artistes, en plus de ça, aiment beaucoup jouer un peu avec les définitions pour nous remettre en question et nous dire, ah oui, mais est-ce que ça c'est de l'art du coup? Du coup, c'est hyper dur. Je ne sais pas si on aura une réponse satisfaisante à la fin de ce cours. En tout cas, on aura plusieurs propositions et vous aurez normalement plus d'outils, de grains à moudre pour réfléchir, bah, comme à la fin de chaque cours et comme en philo, hein. Le but, c'est jamais de donner des réponses définitives, c'est plus de vous donner des munitions pour mieux réfléchir, comme vous avez sûrement appris à le comprendre. Je ne sais pas parler français, je m'excuse. On va essayer de se remettre un petit peu là. Donc, premier problème, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? On a vu qu'il y avait la distinction artiste-artisan, mais est-ce qu'elle a toujours existé dans l'histoire? Est-ce qu'elle est récente? Et surtout, bah, les artistes, même si à la fin, le produit final, leur œuvre d'art, ne vise pas d'utilité concrète, contrairement à ce que fait un artisan, ce qui serait le critère de distinction premier, on va dire. Un artiste crée une œuvre d'art qui n'a aucune utilité concrète, contrairement à un artisan. Quelqu'un qui est très doué, qui a une très forte technique, mais qui, lui, les objets qu'il va créer, les objets d'artisanat, visent une utilité concrète et seraient donc plus du ressort de la technique. Mais cette distinction, elle est bizarre, parce que les artistes aussi, ils ont de la technique pour faire des œuvres d'art. Donc, comment on fait du coup? Est-ce qu'un artiste n'est pas un artisan? On ne sait pas. Donc, premier problème à traiter, et ça nous amènera sûrement à la question du génie, de l'inspiration. Comment est-ce qu'on voit les artistes? Comment est-ce qu'on voit le travail artistique? Est-ce qu'il faut être inspiré et que ça tombe du ciel? Ou est-ce qu'il faut au contraire être un technicien et travailler? Ça pose cette question-là, c'est le premier problème de ce cours. Les autres problèmes qu'on va traiter dans ce cours ou qu'on va aborder, ils sont un peu liés à celui-ci. Si une œuvre d'art se distingue par le fait qu'elle n'ait aucune utilité concrète, à quoi ça sert les œuvres d'art? Bah souvent, on va répondre, bah, ça sert à être beau, à être apprécié, à ressentir un plaisir esthétique. L'esthétique, c'est le mot grec pour la beauté, si je ne me trompe pas, ou l'harmonie, peut-être, je ne sais plus. C'est aussi le nom qu'on donne à la philosophie, à la branche de la philosophie qui s'intéresse aux questions de c'est quoi la beauté, comment on sait qu'un truc est beau, et toutes les questions autour de l'art. Mais du coup, deuxième problème, bah, c'est celui-ci en fait. Si l'œuvre d'art, contrairement à un objet artisanal, ne sert à rien concrètement, bah, c'est que il sert juste à être beau, à être stylé, voilà, à être apprécié dans un musée ou consommé, etc. Mais du coup, c'est quoi être beau? Comment on juge de la beauté d'une œuvre? Et du coup, là, c'est une question un peu compliquée, très ancienne, qu'on va essayer de traiter ensemble. Ce sera le second problème. Qu'est-ce que la beauté et comment on juge une œuvre d'art, tout simplement. Pour pas, justement, je sais que je vous vois déjà venir. Ah bah la beauté, c'est subjectif, ça dépend de la vie de chacun. Bon bah super. Du coup, on fait pas de philo, on rentre chez nous. Et voilà. Bref, vous savez à quel point c'est agaçant quand vous êtes relativiste. Mais du coup, on parlera de ça. Second problème. Troisième problème, dernier problème qui sera évoqué dans ce cours, c'est celui, bah, si les œuvres d'art, ça ne sert à rien à part à être beau, même si ça reste à définir ce que ça veut dire être beau. Du coup, les œuvres d'art, bah, ça ne peut pas, on va dire, avoir un impact sur le monde et sur les individus qui les consomment. Pourtant, on a sûrement tous et toutes déjà ressenti ou même été impactés par des films, des livres, des séries, des jeux vidéo qui nous ont marqués. Et du coup, quel est l'impact des œuvres d'art sur le monde? Est-ce qu'elles peuvent changer le monde ou en tout cas changer les gens qui les regardent, qui les consomment, qui les apprécient? C'est ça la question. Est-ce que l'art peut avoir un impact sur le monde? Est-ce que même pour le poser d'une façon un peu plus bizarre pour vous, mais c'est une question qui a occupé la philosophie occidentale pendant des centaines d'années, est-ce que l'art nous rapproche ou nous éloigne de la vérité? Voilà. Je sais que c'est bizarre comme formulation, mais c'est ça la question pendant 2000 ans sur laquelle beaucoup de philosophes se sont écharpés. C'est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire des choses vraies avec une œuvre d'art ou pas. On en reparlera un petit peu après dans le cours. Ça, ce sont les trois problèmes majeurs autour de l'art. C'est même du coup, comme d'habitude, hein, les problèmes autour desquels on va sûrement vous interroger s'il y a des sujets sur l'art au bac. Ce seront sûrement des choses en rapport avec ces trois problèmes-là. Voilà. Pour les définitions, normalement, elles sont écrites dans le cours. Il y a corrigé de la petite feuille de vocabulaire. Donc, vous n'êtes pas trop mal normalement. Et du coup, bah, après, on va pouvoir commencer à traiter un petit peu chaque problème un par un, et en commençant par le premier, qui serait une définition de ce qu'est une œuvre d'art, si on arrive évidemment à trouver. Donc, ce premier problème, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Eh bien, c'est pas simple, parce qu'en fait, ça dépend clairement du moment historique, de l'époque où on se situe. Avant le XVIIe siècle, pour faire un gros schéma, hein, pour prendre large, il y n'y a pas de distinction entre artiste et artisan. On s'en fout, la question ne se pose pas. Si vous pensez à l'exemple qu'on a pris de la statue de Zeus dans le chapitre sur la technique pour expliquer les quatre causes d'Aristote, la personne qui fait la statue, elle se dit pas je fais une super œuvre, non, elle fait une statue parce que on lui a commandé une statue, en fait, c'est tout. Artiste, artisan, c'est pareil. Les œuvres qu'on connaît, qu'on respecte, même des tableaux de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, on dit peut-être pas Michel, c'est pas grave, Michel-Ange, en fait c'est des tableaux de commande souvent. La chapelle Sixtine, que vous connaissez peut-être, le plafond de la chapelle Sixtine, je vous invite à googler, vous pouvez faire une petite pause, googler, qui est réputé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO comme un haut fait artistique qui est respecté dans le monde entier et que tout le monde a envie d'aller voir, mais c'est une commande. L'Église dit à l'artiste, bon, peins le plafond pour que, pour faire, en fait, c'est à la gloire de Dieu, pour motiver les fidèles, sublimer leur foi, et pour que l'Église montre à quel point elle a une place importante et à quel point Dieu, il est stylé, et du coup, on lui fait des œuvres magnifiques, tout comme les cathédrales en elles-mêmes, tout comme les églises en elles-mêmes, les mosquées, les synagogues, tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas l'idée, là, d'un artiste qui va vouloir impressionner la galerie ou qui va vouloir laisser sa marque sur le monde ou qui a envie de dire quelque chose avec une œuvre. C'est une commande. Même chose en Grèce antique, à Rome, en Europe, du coup, pendant la Renaissance, les personnes riches commandent aux artistes des œuvres. Voilà. Pour ça qu'il y a des portraits des gens connus qui demandent aux peintres, mais même sans ça, même les tableaux qui ne figurent pas des gens célèbres sont aussi souvent des travaux de commande. Et à la Renaissance, il y a même des mécènes, on appelle ça, M-E accent aigu, C-E accent grave, N-E, donc des gens très riches. Qui paye des artistes, qui les finance. En mode, j'aime bien ce que tu fais, tiens, prends ta thune, continue. Du coup, c'est assez différent de l'image de l'artiste qu'on a aujourd'hui, parce que c'est de la commande, c'est un travail, c'est voilà. Il n'y a pas d'artiste un peu maudit, de mythe, de quelqu'un enfermé dans sa chambre qui va travailler pour être le plus fort et montrer au monde ce qu'il sait faire. Non, non, c'est un travail, quoi. C'est artisan, artiste, même combat, pendant très longtemps. Il n'y a même pas spécialement de signature d'artiste sur les œuvres, sur les statues grecques. Il n'y a pas la signature de celui qui l'a fait, on s'en fout. Il y a même beaucoup de thèmes récurrents, que ce soit des thèmes visuels, genre des scènes célèbres que beaucoup d'artistes reprennent, refont à leur façon. Pareil aussi pour les histoires qu'on raconte. Dans la Grèce antique, il y a beaucoup de pièces de théâtre, de tragédies grecques, et c'est les Grecs qui ont inventé la tragédie au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on reprend. Il y a la version, je sais pas, de tel mythe par tel auteur, il y a une autre version par tel auteur. Voilà, c'est juste presque une sorte d'artisanat de, ah tiens, je vais faire mon Zeus, je vais faire l'histoire d'Antigone, je vais faire l'histoire de le mythe de tel dieu, je vais le réécrire. Et voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de notion d'auteur, en fait. Il n'y a pas de notion de quelqu'un qu'on va mettre à part, qu'on va respecter et dont on aime le style ou les productions. Voilà. Donc ça, pendant très très très longtemps, artiste, artisan, aucune distinction. Du coup, c'est assez fou de se dire ça, peut-être pour vous, vu que on n'est pas du tout dans cet état d'esprit actuellement. Qu'est-ce qui change? Et depuis quand ça change? Je l'ai dit, vers le 17e siècle, 18e siècle en gros, plutôt 18e. Pourquoi ça change? Avec la révolution industrielle. Ça doit vous rappeler normalement des petits cours d'histoire que vous avez eus. En Europe, en Angleterre, en France, on commence à pouvoir créer plein d'objets à la chaîne. D'abord dans des ateliers, ensuite dans des usines. Et du coup, ça remet un peu en question l'idée de fabrication, de création. Les objets ne sont plus faits par des artisans qui ont un certain coup de patte et qui réalisent des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, puisque le mot vient de là, c'était le travail d'un artisan à la fin de son apprentissage pour montrer qu'il était capable d'être à son compte et d'être un artisan respecté qui pourrait ouvrir sa boutique et que les gens viendraient acheter chez lui parce qu'il avait fait un truc incroyable qui montrait à quel point il avait une technique maîtrisée. Mais du coup, c'est fini ça, entre guillemets. L'artisanat en prend un sacré coup parce que maintenant, des chaises, on peut en faire 15 à l'heure. Du coup, ça remet un peu en question l'idée de création. C'est à partir de ce moment-là que la vision de l'art va un peu changer. On va commencer à séparer un petit peu la création artistique et la fabrication d'objets industriels. Déjà, le romantisme en littérature va un peu insister plus sur les sentiments, le vague à l'âme, le mythe de l'artiste maudit, torturé, avec des figures comme Goethe ou le personnage de Werther en Allemagne, Chateaubriand en France, Baudelaire ensuite. Donc ça c'est fin 18e, milieu 19e, un peu l'échelle, j'ai pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire, cette période, voilà. Et à côté de ça, ensuite, bah du coup, on va commencer à muséifier, à séparer un peu les œuvres d'art des autres types de créations qui peuvent être faites dans des ateliers ou des usines. Dire, ah non, quand même, c'est différent. Les œuvres d'art, c'est spécial. On ne peut pas les faire à la chaîne, c'est un truc particulier et tout. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir la vision que vous avez sûrement aussi en tête, qui distingue l'artiste et l'artisan, voire même l'artiste et l'ouvrier. Du coup, c'est là, c'est... Fin 18e, avec la révolution industrielle, que ça commence à arriver. L'exemple le plus clair, peut-être que vous avez vu en français, c'est Théophile Gautier, un poète français fin 19e, qui avait un mouvement poétique qui s'appelait L'art pour l'art, où il disait en gros tout ce qui est utile est laid. C'est une citation de Théophile Gautier. Du coup, clairement, où là on arrive dans l'idée que l'art doit être inutile, l'art ne doit remplir aucune fonction à part les fonctions esthétiques de beauté, et c'est tout. Donc c'est clairement assez récent en fait. L'image, l'idée qu'on se fait tous et toutes d'un artiste, elle date d'hier en fait, littéralement, à l'échelle humaine. Du coup c'est assez intéressant déjà de remettre ça en perspective, d'historiciser, de contextualiser un petit peu les idées qu'on a en tête, comme on a déjà pu le faire avant ensemble avec Descartes et l'individualisme, etc., etc. Du coup voilà, à ce moment-là, artiste, artisan, ça commence à être un peu plus séparé. Et ça va encore changer ensuite au XXe siècle avec l'apparition de l'art contemporain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple, je pense, le plus clair, alors faudrait rechercher sur Google que vous voyez au moins une petite image, vous tapez Duchamp, Marcel Duchamp, voilà, comme quelqu'un qui viendrait Duchamp, hein, mais attaché parce que c'est son nom de famille, et l'œuvre c'est Fontaine. Voilà, prenez 2 minutes, je vous attends. Pardon. Vous vérifiez ça, et normalement vous tombez sur une image d'urinoir. Voilà. Donc c'est bizarre. Est-ce que... Et c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui date de 1917, qui est proposée à une exposition artistique, qui est simplement, Marcel Duchamp, il a juste pris un urinoir, il l'a acheté dans un magasin, il a été à Brico-Dépôt, il a acheté un urinoir, il l'a posé dans un musée, il l'a signé d'un pseudo, R.Mutt, je crois, et voilà, il a dit, hop, l'œuvre est faite. Et bon, bah, on lui a dit, bah non, Marcel, tu déconnes, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle ça, ce courant artistique, du ready-made, puisque ce sont des objets déjà fabriqués dans le commerce, en fait, qu'on peut acheter, et qui sont transformés en œuvres d'art. Alors, en quoi c'est une œuvre d'art? À l'époque, on lui a dit non, ce n'en est pas une. Vous verrez dans le cours, j'ai mis les citations de ce que lui ont répondu les gens à qui il a proposé ça pour une exposition. Ils lui ont dit c'est pas de l'art, t'as rien créé. Et justement, en fait, c'est de l'art contemporain, parce que. Duchamp, il est pas bête, il sait qu'il a rien créé, mais c'est la démarche qui compte plus que le résultat. Le fait de prendre un objet du quotidien qui sert bah, à faire pipi et à le mettre dans un musée où on peut plus s'en servir pour ça. Il n'est pas relié à une tuyauterie, il a plus d'utilité concrète. Marcel Duchamp, il a fait cette démarche-là pour dire, ah bah si l'art c'est tout ce qui est inutile, puisque c'est ce qu'on nous dit depuis un siècle, puisqu'il a fait ça début 20e, en gros 1917 par là. Bah du coup, je prends un truc qui est utile dans la vie, je le mets à un endroit où il peut plus remplir sa fonction première, son utilité première, et hop, ça devient de l'art. En fait, c'est ça l'art contemporain. Ce qui compte, c'est moins l'œuvre, le résultat final, plus que la démarche intellectuelle qu'il y a derrière. Parfois, on parle d'art conceptuel aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal, souvent, je sais que l'art contemporain, ou l'art qui se fait actuellement, contemporain, ça veut dire qui existe actuellement en même temps que nous, ça veut dire ça, contemporain. Ça nous agace, ou ça vous agace parce que bah, on voit une banane scotchée à un mur, une œuvre qui existe vraiment, qui est exposée en ce moment, je crois, à Londres ou à New York, je ne sais plus. Et on se dit, bah, c'est nul, c'est pas de l'art, ça veut rien dire. Mais en fait, souvent, ce qui compte, c'est pas tant le résultat que tout le processus qu'il y a derrière. Et c'est vrai que si on n'a pas les explications, on trouve ça bizarre. Mais quand on nous raconte, on nous explique la démarche de l'artiste, là on comprend plus. Donc on peut se dire que c'est pas un art très accessible, ça c'est vrai, parce que bah puis s'il faut avoir une explication pour le comprendre, c'est un peu dommage. Mais c'est un pan de l'art actuellement qui est très intéressant parce qu'il pose beaucoup de questions et qu'il est très philosophique en fait. C'est pour ça que moi j'aime bien. Mais Duchamp, voilà, il fait ça en connaissance de cause. Il sait que ça va poser des questions, il sait que ça va faire débat. Et du coup, à tel point que d'ailleurs c'est refusé quand il le propose au début. Ça sera exposé 60 ans plus tard au centre Georges Pompidou à Paris, dans les années 1960, où on acceptera, on va dire, sa démarche. Mais dans un premier temps, c'est pas accepté et ça marche pas. Mais du coup, ça pose des questions. Ça pose la question, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, justement? Est-ce qu'une œuvre d'art, c'est uniquement un objet dont on retire l'utilité ou qui n'en a aucune? ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'une œuvre d'art, ça doit être créée par l'artiste, ou est-ce que une mise en situation, une installation d'objets qui ont déjà été créés par d'autres gens, peut constituer une œuvre d'art? Et vous voyez que c'est intéressant en fait. C'est un peu comme la philo, on se pose des questions. Et même en fait, si vous dites non, c'est moche, c'est horrible et tout, mais Duchamp, c'est ce qu'il voulait. Il voulait provoquer, il voulait créer en vous un sentiment de dégoût, de mépris. Hein, c'était le but aussi dans cette démarche-là. De nous confronter à un truc qu'on n'a pas trop envie de voir, à savoir des toilettes, et de dire maintenant, c'est de l'art. Et c'est pour ça aussi que le problème de qu'est-ce qu'une œuvre d'art est aussi compliqué, parce que les artistes, ils passent leur temps à faire ça. Duchamp, c'est souvent celui qu'on prend comme exemple en philo et ailleurs, parce que c'est le plus marquant et que c'est un des premiers, même si d'ailleurs, petite parenthèse, on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui. Maintenant, des recherches historiques récentes montrent qu'il a peut-être tout piqué à sa femme, comme souvent. Mais bref, ça c'est un détail. Enfin, pas un détail, mais voilà, un petit aparté. Mais du coup, c'est pour ça que c'est aussi dur de dire qu'est-ce qu'une œuvre d'art, parce que les artistes passent leur temps à jouer un peu et à nous poser des questions et à faire en sorte que la frontière et la définition et l'essence de ce qu'est une œuvre d'art soient constamment remises en question. Du coup, c'est pour ça que le problème est dur, parce que les artistes sont taquins. Voilà, tout simplement. Je peux vous donner, si vous voulez, un exemple d'œuvre d'art que j'aime beaucoup, qui est de l'art contemporain, qui est de l'art conceptuel et qui vous montre un peu ce que c'est, ce que ça peut être une œuvre d'art quand c'est pas seulement un tableau qui figure une scène. Cette œuvre s'appelle Untitled, donc sans titre en anglais. Enfin, c'est Untitled, entre parenthèses, Portrait of Ross in LA. Du coup, sans titre, entre parenthèses, Portrait de Ross à Los Angeles. C'est une œuvre de l'artiste Félix González-Torres. Et en fait, c'est quoi l'œuvre? C'est juste dans un musée, vous rentrez dans une pièce, et il y a dans un coin une pile de bonbons. Je sais pas, des crémas, genre tout plein de bonbons, avec des papiers individuels autour colorés. Et c'est tout, une pile de bonbons. Et vous avez le droit de prendre des bonbons. Vous avez le droit de prendre des bonbons si vous visitez le musée. C'est pas où. Je sais que dans les musées, on n'a pas le droit de toucher aux œuvres et tout. Là, non, vous pouvez prendre des bonbons. Et c'est ça l'œuvre. Vous allez me dire, bah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, pareil, il faut la démarche. Il faut, pour comprendre l'œuvre, qu'on vous l'explique. Cette œuvre, en fait, alors je le fais un peu de tête, mais. Cette œuvre représente Ross, justement, comme le dit le titre, qui était le compagnon, je ne sais pas s'ils étaient mariés ou pas, enfin, le petit ami de l'artiste Félix, qui est mort du sida en 1991. Et en fait, la pile de bonbons doit peser 79 kilos, parce que c'est le poids en moyenne d'un homme d'âge adulte. Et ce que l'œuvre est censée représenter, c'est la dégradation et la perte de poids énorme qu'a subi. Cet homme, le Ross, du coup, en étant malade du sida, il a fini par en mourir. Et en fait, apparemment, à cette époque-là, il était très malade, il perdait du poids à vue d'œil, et il mangeait que des bonbons. Parce qu'il n'arrivait pas trop, il n'avait pas d'énergie pour manger des vrais repas, etc., etc. Et du coup, en fait, quand les gens du musée, les visiteurs, vous et moi, on prend des bonbons, quelque part, on reproduit un peu le geste, en prenant des bonbons, on fait perdre du poids à la pile, et elle finit par disparaître. Et comme le mari, quoi. Du coup, c'est ça, l'interprétation première de l'œuvre. Et c'est, je trouve ça hyper puissant, hyper beau. Déjà parce que c'est interactif. Déjà parce que c'est un peu doux amer. Parce que les bonbons, c'est un truc de l'enfance, c'est mignon, ça fait plaisir. Et là, c'est relié à quelque chose d'assez sombre. Tout qui définit ça comme un portrait dans le titre. Du coup, on peut se poser la question, mais en quoi les bonbons, ça représente quelqu'un? Et sûrement que pour l'artiste, c'est lié au souvenir de cette époque-là où la personne qu'il aimait ne faisait que manger des bonbons et perdre du poids parce qu'il était malade. Et du coup, là, c'est un exemple d'œuvre très connue, hein, cette œuvre. Je ne sors pas un truc très obscur, ça a été exposé dans le monde entier et tout. Mais je trouve ça magnifique, en fait, tout simplement, comme démarche. Et ça vous montre à quel point l'art contemporain, ça peut être très fort, si on vous explique. Et intriguant, et ça remet en question ce que c'est une œuvre d'art, là aussi, comme la fontaine de Duchamp. Là, c'est juste une pile de bonbons qui représente quelque chose. Et la démarche même des gens qui prennent des bonbons est prise en compte et fait partie de l'œuvre. Et il y a beaucoup de formes actuelles d'art qui sont éphémères, qui prennent en compte la participation des gens, etc., etc. Donc c'est, je trouve, assez intéressant pour vous peut-être de vous intéresser à ça, par-ci, par-là, parce que ça fait quand même réfléchir et ça ouvre quand même beaucoup de perspectives auxquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir. Je vous propose, alors je dis ça un peu de tête, mais je crois qu'il y a sur YouTube, il y a des replays d'un streamer qui s'appelle Étoile. étoile comme une étoile, sauf que c'est avec un S, je crois, et qui a été au centre Georges Pompidou avec un autre streamer, Amine, vous connaissez peut-être, Amine Mathieu, et ils sont allés au centre Georges Pompidou ensemble et ils sont fait une visite avec quelqu'un qui leur explique plein de tableaux, plein d'œuvres, etc. Alors même que Amine Mathieu, c'est un Twitter, un streamer, qui est pas du tout dans le milieu de l'art, qui connaît rien et qui s'en fout un peu, peut-être que comme vous, peut-être. En tout cas, comme quelqu'un de basique qui fait pas attention. Et du coup, le conférencier qui les accompagne prend le temps de leur expliquer. Ça peut être peut-être une porte d'entrée pour vous de regarder ça. Vous tapez sur YouTube, ce Georges Pompidou, Amine, étoile, vous trouverez quoi. Ça peut être peut-être une porte d'entrée. Voilà, c'est un petit conseil en passant que je vous propose. Tout ça pour dire que du coup, la définition d'une œuvre d'art, elle est assez complexe. Si outre les perspectives historiques qu'on a données, le fait que ça ait changé selon les périodes, on essaye de retirer des critères pour dire, bon, bah, du coup, une œuvre d'art, c'est quoi? Bah, on pourrait se dire, aujourd'hui, une œuvre d'art, c'est défini par le fait que ça ne soit pas utile. A priori, c'est ce qu'on a, on est d'accord. Avec du chant, avec même un tableau, une musique, ça ne sert à rien. À part à faire kiffer, hein, comme vous diriez, vous, les jeunes. je suis désolé. Et du coup, ça serait ça, l'utilité. Le critère de définition d'une œuvre d'art, ce serait son inutilité. Le problème de ce critère de l'utilité, c'est que ça exclut bah, toutes les œuvres avant le XVIIe siècle, du coup. Les pyramides d'Égypte, bah, c'est pas de l'art. Puisque ça avait une utilité quand ça a été créé, l'utilité de rendre hommage aux dieux. Les cathédrales, pareil, la chapelle Sixtine, les statues de Zeus, tout ce qu'on a dit qui avait une utilité religieuse ou sociale et tout, une importance, bah du coup ce serait plus de l'art alors. Donc le critère, peut-être qu'il vaut aujourd'hui, mais le problème c'est que si on s'en tient à ça, on exclut énormément de choses. Et puis on pourrait même dire qu'aujourd'hui, et ça c'est en plus un truc de sociologie, mais Pierre Bourdieu, un sociologue français extrêmement connu, qui a parlé du capital culturel, etc., peut-être que vous avez vu en SES en seconde, il a montré dans plusieurs travaux le fait que fréquenter, je sais pas, des lieux comme les musées par exemple, ça avait une certaine utilité symbolique. C'était souvent fait aussi pour montrer qu'on appartenait à une certaine classe sociale. Du coup, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, aller dans un musée, ça a une utilité qui est symbolique, qui est celle d'asseoir son statut social et de se démarquer socialement d'autres classes sociales. Donc, on pourrait même là, même en gardant les critères d'inutilité, se dire, ah ben, est-ce que c'est vraiment inutile la consommation ou l'appréciation d'œuvres d'art, puisque ça quand même témoigne d'une certaine élégance, puisque c'est souvent associé à ça ou d'un certain statut social en tout cas. Du coup, est-ce qu'il y aurait pas un autre critère qui pourrait fonctionner, qui serait plus inclusif que l'inutilité, qui enlève plein d'œuvres d'art de l'équation et qui en plus peut être mis en question par la sociologie? On pourrait peut-être tout simplement, justement, en parlant de sociologie, se dire que ce qui définit une œuvre d'art comme œuvre d'art, ce serait l'attitude qu'on a par rapport à elle. En fait, est une œuvre d'art tout ce que la société considère comme une œuvre d'art. Donc ce serait l'attitude sociale des gens envers un objet qui en ferait une œuvre d'art. C'est un critère un petit peu flou, un petit peu peut-être pas très strict, mais en tout cas qui permet, même s'il est flou, d'avoir une définition assez flexible. Tout ce que la société considère comme une œuvre d'art est une œuvre d'art, et du coup ça peut changer. Ça veut dire que la fontaine de Duchamp, ça n'a été une œuvre d'art qu'à partir du moment dans les années 60 où elle a été exposée au centre Georges Pompidou. Quand elle a été refusée la première fois en 1917 par les gens de l'exposition à qui Marcel Duchamp l'avait proposée, ce n'était pas une œuvre d'art. C'en est devenu une 50 ans après. Donc peut-être que ça pourrait être un critère. Il pourrait aussi être discuté, remis en question, puisque bah, c'est un critère qui fluctue beaucoup, qui change beaucoup du coup. Peut-être un critère aussi difficilement mesurable, puisqu'il prend en compte l'attitude globale, générale des individus, mais comment on le mesure? Est-ce qu'on est sûr que en fonction des pays, en fonction des classes sociales, ça soit la même chose, etc., etc. Bon, c'est pas le meilleur critère, mais ça reste une proposition intéressante, je pense. Donc maintenant qu'on a quelques idées pour réfléchir à ce que peut être une œuvre d'art, il faut aussi s'intéresser à ce qu'est un artiste et à la création artistique. C'est un problème qui découle un peu de celui qu'on vient d'évoquer. C'est bah, les artistes, est-ce que ce sont des artisans aussi dans leur façon d'opérer? Est-ce que c'est de la technique, du travail ou est-ce que c'est du génie, de l'inspiration? Ça, souvent, justement, le mot inspiration lui-même, en fait, il est assez intéressant. Il vient du latin inspiratio, qui veut dire souffle, comme quand on prend une inspiration. Et ce mot latin, il vient lui-même du mot grec qu'aujourd'hui on traduit en français par enthousiaste, parce que dans enthousiaste, si on remonte à l'étymologie grecque, il y a théos, Dieu, et asma, le souffle, donc le souffle divin. Et du coup, on imagine l'inspiration, c'est l'idée que vous recevez un souffle divin qui vous traverse et vous pousse à créer. Vous savez peut-être que les Grecs, ils avaient une classification des arts, il y en avait six, je crois, la sculpture, la peinture, la poésie, etc. Et à chaque art était associée une muse, une sorte de déesse un petit peu, qui gérait les artistes qui faisaient des œuvres dans l'art qui leur était consacré. Il y avait une muse de la sculpture, une muse de la poésie et tout. Et du coup, en fait, l'idée de l'inspiration, ce serait l'idée d'une muse qui vous souffle à l'oreille et qui vous donne justement l'élan nécessaire, l'inspiration nécessaire, le souffle divin pour que vous créiez quelque chose de magnifique, de beau, une œuvre géniale, inspirée. Voilà. Alors, je vous mets un petit extrait de Platon dans le cours qui parle de ça, qui parle d'Homère. On pourrait se dire, c'est bizarre, monsieur, vous nous avez dit qu'à l'époque, artiste, artisan, pas de différence, il n'y avait pas l'idée d'auteur ou d'artiste incroyable. Vous avez raison, c'est bien de le dire, bravo à vous. Cette idée d'inspiration était réservée à des artistes très précis, c'était très rare. Déjà, tout le monde ne pensait pas ça. Je vous mets un extrait de Platon parce que lui en a beaucoup parlé, mais tout le monde ne partageait pas ça. Et surtout, même Platon, c'était réservé à des artistes sélectionnés sur le volet. Quand Platon en parle, lui, il parle d'Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, parce que c'est la référence ultime en Grèce antique, mais tout le monde n'était pas inspiré à ses yeux, attention. Du coup, voilà, lui, il parle d'Homère qui a été inspiré par les dieux, et puis c'est à peu près tout. Mais du coup, ça, c'est le premier exemple, ça nous vient de là, l'idée d'inspiration. Donc c'est très ancien, et ça montre, du coup, l'idée d'un artiste qu'on peut encore avoir un peu aujourd'hui, parfois, quand même vous me dites pour rigoler, non, mais je révise pas, j'y vais à l'inspiration, tout ça. Et vous êtes un peu là-dedans, dans l'idée de non, mais je vais recevoir tomber du ciel l'inspiration pour réussir mon devoir, ma disserte, ou peu importe la musique que vous créez dans votre coin, etc. etc. Cette idée-là d'inspiration, elle est assez ancienne, elle a été ensuite reprise aux alentours de la fin du XVIIIe siècle, justement le moment où on sépare artiste et artisan, avec l'idée de génie. Voilà, idée de génie. Donc je vous ai mis un texte dans le cours que je vous invite à lire hein, maintenant ou après, mais même si là je vais le résumer, c'est important de vous entraîner à lire. Peut-être même qu'on le fera en classe, parce que bah il y a le bac bientôt quoi, donc faut lire de la philo. Ben, voilà, c'est important. Cette idée de génie, elle est défendue par Kant, Emmanuel Kant, philosophe allemand, fin 18e. On en a déjà parlé ensemble dans la séquence sur la liberté. Peut-être aussi sur la vérité, je ne sais plus. Et on en reparlera dans celle sur la justice. C'est un philosophe très important. Et du coup, lui, il défend cette idée du génie. Il dit pas que tout le monde est un génie, mais il dit qu'il existe des génies. C'est quoi sa thèse? En gros, il définit le génie comme, je cite, le génie est la disposition innée de l'esprit, ingenium en latin, par laquelle la nature donne ses règles à l'art. Donc là, c'est quelque chose. Donc déjà, c'est un don inné. Donc on est avec, on peut pas l'acquérir. Vous aurez beau travailler toute votre vie, vous n'êtes pas un génie, vous n'êtes pas un génie, c'est comme ça. Donc ça, ok. Ce qui est bizarre aussi, c'est l'idée de nature qui intervient là. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée que la nature donne ses règles à l'art, ça veut dire que les dispositions innées de l'artiste avec lesquelles il est né, qui du coup il tient de la nature, elles vont servir de modèle à toutes les autres œuvres. Ça veut dire ça donne ses règles à l'art. C'est-à-dire que un génie, quand il naît avec certaines dispositions naturelles, hérité, nous on pourrait dire de la génétique par exemple, ou quoi que ce soit, même si à l'époque de Kant ça n'existe pas, bah, il va changer le milieu ou le domaine de l'art où il exerce, et qu'après on se servira de lui comme référence, comme exemple. On ne fera plus de l'art comme on en faisait avant que cette personne arrive. Et c'est pour ça que c'est un génie, selon Kant. Donc soit on a du génie, soit on n'en a pas. Et si on est génial, grâce à notre talent inné, on va changer le monde de l'art et après on servira d'exemple et de modèle et les gens se diront ah oui bah si je veux faire un truc faut que je pense à ce qu'a fait cet homme-là cette personne-là parce que c'est un génie et qu'il a redéfini et que maintenant c'est un modèle donc c'est ça le génie pour Kant. Là je résume beaucoup beaucoup encore une fois soit on le fera en classe soit vous devriez lire le texte parce que c'est un texte très important très connu et que bah en plus c'est intéressant parce que le mot génie on l'emploie encore aujourd'hui donc ça peut être cool même de savoir d'où ça vient et la thèse qu'il y a derrière l'exemple qu'on pourrait prendre bah je sais pas c'est des quand on parle de génie on pense je sais pas à Mozart Beethoven. Et oui, si on prend l'exemple de Mozart, effectivement, bah, très jeune, dès 3-4 ans, il composait des trucs incroyables et tout. Et ça va un peu avec l'idée de Kant, hein, de disposition innée, qu'on n'a pas acquise, mais qu'on avait dès la naissance. Ça, c'est l'idée de génie. Voilà. Cette idée de génie, elle va être critiquée par un auteur qu'on a déjà vu aussi, Nietzsche, auteur allemand, un siècle plus tard, fin 19e, qui lui va beaucoup, beaucoup critiquer la thèse kantienne du génie. Pareil, texte dans le cours, ça serait sympa de le lire, sinon on le fera ensemble. Pour Nietzsche, le fait qu'on croit au génie, nous, encore aujourd'hui, hein, qu'on dise « Ah, mais lui, c'est un génie », ça a deux raisons. La première, pourquoi est-ce qu'on a envie de voir du génie plutôt que du travail, parce que pour lui, Nietzsche, le génie, ça n'existe pas, c'est uniquement des gens qui ont beaucoup travaillé. C'est que, en fait, je vais donner une petite citation, il dit, quand on voit quelqu'un de génial et qu'on dit c'est un génie plutôt que c'est quelqu'un qui a travaillé, on se dit, et là, ouvrez les guillemets, ici, nous n'avons pas à rivaliser. Fin de guillemets. C'est-à-dire, quand on dit Shakespeare, c'est un génie, Beethoven, c'est un génie, bah, on se dit, bon, bah voilà, vu que c'est inné, vu que c'est un génie, bah, jamais je pourrais faire ça. Et du coup, bah ça nous rassure, ça nous conforte. On se dit pas, ah, il a fait un truc de ouf. Franchement, ça me rappelle que moi, je fais pas grand-chose ou que je vais pas au bout de mes idées et tout. On se dit, non, non, non, c'est pas que moi, je fais rien, c'est que lui, c'est un génie. Du coup, ça nous rassure. Il y a une sorte de biais cognitif, de biais psychologique qu'on aurait à vouloir voir du génie dans les grandes œuvres. Comme ça, on n'a pas à se dire que nous aussi, on pourrait faire si on avait envie. Donc ça serait la... c'est, oui, c'est assez pervers, assez intéressant comme façon de voir Nietzsche. Il est un petit peu taquin, hein. Il aime bien taper où ça fait mal. Et là, directement dans notre ego, en fait, si on voit des génies, c'est parce qu'on a la flemme de rivaliser. C'est intéressant. Et l'autre argument qu'avance Nietzsche dans son texte, dans la critique du génie qu'il fait dans l'œuvre Humain trop humain, c'est que pourquoi est-ce qu'on voit du génie dans les œuvres d'art? C'est qu'on n'a accès qu'au produit final. On voit l'œuvre terminée, finie, sans défaut. Et on ne voit pas tout le processus qu'il y a avant, tous les ratés, tous les brouillons, tout ce qui a mené au génie. Je vous mets dans le cours un exemple, une image des carnets de Beethoven. On peut aussi citer comme un génie, compositeur de musique classique, très connu, vous devez connaître forcément ses chansons, peut-être que vous avez entendu dans des pubs, mais bah dans ces carnets, on voit qu'il y a des ratures partout, quoi. Il y a ces carnets, ils sont dégueulasses, c'est des brouillons. Et il y en a plein, il y en a des centaines des carnets de Beethoven, j'en sais rien en fait combien il y en a, mais il y en a sûrement beaucoup. Et on voit que, bah oui, ça a été un travail. Vous tapez, pareil, un hein, brouillon Flaubert, brouillon Balzac, c'est immonde. Il y a des ratures, il y a des traits, il y a des flèches, vos copies, elles sont plus propres que leurs carnets. Hein. Mais du coup, voilà, ils ont travaillé constamment. Et c'est ça en fait, pour Nietzsche, il n'y a pas de génie. Il n'y a que des gens qui travaillent, qui sont un peu acharnés en fait. Ils ont une attention focalisée constamment. Je peux citer un petit passage, attendez si je trouve, ouvrez les guillemets, il parle lui d'une pensée active dans une direction unique, qui utilise tout comme une matière première, qui ne cesse d'observer diligemment leur vie intérieure et celle d'autrui, qui ne se lasse pas de combiner leurs moyens. En gros, tout ce qui les entoure, les artistes, ils vont s'en servir. Ils vont constamment avoir en tête le projet qu'ils sont en train de faire, et tout ce qui va leur arriver, tout ce qu'ils vont penser, va être utilisé pour aller dans la direction qu'ils ont en tête. C'est des entêtés, c'est des acharnés, c'est des gens têtus, monomaniaques, obsessionnels, on pourrait dire. Ils pensent à un truc, ils sont sur un projet, et du coup, tout ce qui se passe, ils vont l'interpréter ou s'en servir pour nourrir cette pensée unique qu'ils ont en tête. Et pour lui, bah, pour Nietzsche, ça, c'est pas du génie. C'est juste du travail, de la concentration, de l'obsession. Mais c'est pas du génie, c'est pas de l'inspiration, ça tombe pas du ciel, c'est pas inné. Et du coup, c'est une critique très intéressante du génie. Et c'est pas un débat fermé, on va dire, hein, mais c'est encore assez ouvert. Je vais même vous prendre un exemple très très contemporain qu'il faudra pas mettre au bac. Au bac, vous parlez de Beethoven, hein, voilà, le carnet, Oui, Flaubert, m'a Balzac, tout ça. Mais regardez, petit extrait Grinardo, bien musical. sûr, qui m'ont raté. Attendez, bien sûr. Sur l'œil dans la on voit, bulle, sur le quelle prado, histoire, shifter pro, dans les coulisses. Hein, ça y est, c'est contresens. Ma hop, chérie, tu as contresens. Top musique. Tout à où j'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je veux nous faire la guerre, par Dieu c'est bête. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la kéo. C'est Marseille bébé, ça m'est rassé dédé. Donc ça, c'est le début du couplet de SCH, premier couplet de la chanson Bande organisée, que vous connaissez tous et toutes, plus ou moins, que vous le vouliez ou non quelque part, vu qu'il est passé partout. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que SCH, il a dit il n'y a pas longtemps dans une interview qu'il n'avait rien écrit avant d'arriver en cabine d'enregistrement pour ce couplet. Donc, Qu'on aime ou pas, ce couplet a eu beaucoup de succès, même si les paroles volent pas très haut, c'est efficace, c'est entraînant, on le reprend à tue-tête assez facilement. Donc est-ce que c'est du génie? Est-ce qu'il a été inspiré par une muse du rap pour écrire ça, enfin pour pas écrire ça et pour l'improviser? Ou est-ce que justement, si on ne rejoint pas la théorie kantienne du génie ou de l'inspiration, si on remonte à Platon, mais qu'on part du principe que bah non, c'est un artiste, il travaille depuis longtemps, il parle de Shifter Pro, il dit dans l'interview qu'il avait un Shifter Pro qu'on lui avait prêté, enfin une moto avec la fonction Shifter Pro, je crois que c'est un truc pour changer les vitesses, bah du coup il a juste parlé de ce à quoi il pensait, et vu que c'est un artiste, bah il a, on va dire, les placements en tête, le sens du rythme, il sait ce qui va faire mouche comme punchline, même si c'est un peu débile. Ça va bien marcher quand même. Et du coup, c'est du travail et c'est une attention focalisée sur toujours la création musicale, comme le dit Nietzsche. Voilà, le débat est posé juste avec ce couplet-là, par exemple. Même si, encore une fois, au bac, c'est mieux de parler de Beethoven. Mais vous voyez, c'est intéressant même pour vous, peut-être, dans la pratique de la philosophie en tant qu'activité, de, plutôt que d'apprendre les cours de philo, souvent, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'appliquer les thèses que vous avez en tête à des exemples bêtes et méchants du quotidien que vous connaissez. Et c'est comme ça qu'on peut bien intégrer et comprendre et réutiliser ensuite les repères et ou les thèses d'auteur en essayant soi-même, et c'est ce qu'on doit faire dans l'explication de texte, c'est pour ça que je vous demande de faire des exemples hors du texte, d'appliquer les raisonnements ou les démarches à d'autres choses qui ne sont pas dans le texte pour montrer qu'on a compris et qu'on est capable de s'en resservir. Parce que ça sert à ça la philo. Si on ne donne pas de réponse définitive, on donne au moins des façons de réfléchir. Et des moyens pour mieux réfléchir de façon plus rigoureuse et plus intéressante. C'est aussi pour ça qu'on définit les mots au début, pour qu'on parle tous et toutes de la même chose et que le débat ne soit pas juste un dialogue de sourds où, ah, en fait, on parle depuis 10 minutes de l'art et on ne parlait pas de la même chose. Donc voilà. Bref, ça c'est un détail, mais exemple très contemporain, très actuel de la question du génie qui n'est pas du tout résolue. Et vous pouvez avoir, on va dire, une thèse pour laquelle vous penchez plus, mais du coup, après, il faut argumenter, évidemment. Et c'est aussi pour ça que dire ça dépend des goûts, c'est pas très intéressant. Voilà pour l'idée de génie versus travail, Kant contre Nietzsche, hein, si on résume un peu le gros débat. Après, pour le génie, on pourrait aussi peut-être dire que bon, bah, ce couplet, il n'a pas forcément changé, on va dire. Les règles ou la façon dont on fait du rap. Dans ce cas-là, on pourrait aussi prendre la même débat avec Jul. Qu'on aime ou pas Jul, ça fait 10 ans qu'il est là, il fait 3 albums par an, le gars, et il a modifié, on va dire, le milieu du rap, par exemple. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui imitent son style. Il a forcé les gens à accepter qu'on pouvait faire de la musique comme ça. Et Jul, c'est pareil, si vous l'écoutez à l'interview, il n'a pas l'air de beaucoup réfléchir à ses textes. Donc lui aussi, on pourrait se demander, est-ce que Jul, il correspond à la définition kantienne du génie, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a un esprit un peu obsessionnel et qui utilise tout ce qu'il y a autour de lui pour créer des œuvres. Donc voilà, la question est posée de façon actuelle, mais aussi, du coup, elle se pose depuis très longtemps avec des artistes, on va dire, un peu plus reconnus, même par les correcteurs et les correctrices du bac. Maintenant qu'on a un peu défriché ce problème, à savoir de la création artistique, bon déjà, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Est-ce que les artistes sont des génies ou des travailleurs? On peut s'intéresser aussi, du coup, à cette idée de beauté, justement. Est-ce qu'une œuvre d'art doit être belle? Et surtout, c'est quoi être beau? Alors, je sais, vous allez dire, bah, la beauté, c'est subjectif. Si on parle d'individus, bah effectivement, c'est subjectif. Déjà, les normes de beauté, ce que c'est être beau, ça varie d'une époque à l'autre, ça varie d'un pays à l'autre. Il suffit de regarder, je sais pas, des tableaux de femmes du 17e pour voir que être belle, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 400 ans, qu'il y a 200 ans, que ce n'est pas la même chose en France qu'en Éthiopie, etc., etc. On est d'accord, les canons de beauté sont très changeants, sont très situationnels, sont liés à un contexte social, historique, culturel. Pour les personnes, c'est sûr. En plus, si on fait intervenir, bah, je sais pas, le charme, le charisme et tout, la question est très très compliquée. Nous, là, on parle que d'œuvres d'art, d'objets. Déjà, c'est un peu plus facile pour commencer. Et après, si vous me dites là aussi encore, ça dépend des goûts, c'est plus compliqué à défendre quand même pour une œuvre d'art. Parce que rien que si je vous parle de Beethoven et que même si vous n'avez jamais écouté d'œuvre de Beethoven, vous sachiez qui c'est bien qu'il y a des œuvres qui subsistent, qui restent dans l'histoire. Pour une raison, en fait. Si on se souvient plus de Beethoven que d'un artiste quelconque que j'ai pas en tête, et c'est bien le principe de ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a peut-être des œuvres qui sont objectivement plus mémorables ou plus abouties que d'autres. Du coup, il faut être capable de réfléchir un peu à comment on juge une œuvre d'art et comment on en arrive, nous, à dire « Ah, cette œuvre est belle ». Et cette réflexion, c'est Kant, encore une fois, qui l'a fait dans un ouvrage qui s'appelle « La critique de la faculté de juger », où il réfléchit justement à l'opération de jugement, jugement rationnel, comme on a vu dans La Vérité, jugement logique et jugement esthétique aussi, face à une œuvre d'art. Déjà, pour commencer, lui, je mettrai les textes aussi dans le cours, pareil, ce serait bien de les lire ou qu'on les lise ensemble, en fonction du temps qu'on a. Il part du principe, pardon, qu'il faut distinguer le beau et l'agréable. Ah, déjà, première distinction. En philo, on aime bien distinguer les choses, définir, couper les trucs en deux pour dire il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Vous savez. Par exemple, quand vous regardez Top Chef et vous dites « Oh, ce plat, il est beau ». En fait, c'est pas beau que vous voulez dire. C'est agréable. Parce que quelque chose d'agréable, c'est quand il y a un intérêt personnel qui rentre en compte dans le jugement. Quand on trouve un plat beau, ou quelqu'un beau, moi je sais pas, Idris Elba, un acteur anglais, vous tapez son nom, il est magnifique, il est trop beau, je l'adore. Idris, si tu m'écoutes, bah, salut. Et ben, là, il y a un côté agréable. Je n'arrive pas à distinguer mon intérêt personnel de mon jugement. Quand on trouve un plat beau, c'est parce qu'on a envie de le manger. Quand on trouve une maison belle, c'est qu'on a envie d'y habiter. Quand on trouve Idris Elba beau, c'est qu'on a envie de faire des trucs avec lui. Du coup, là, c'est pas une beauté objective, c'est un intérêt subjectif qui rentre en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, du coup, c'est pas de la beauté, c'est pas un jugement esthétique, parce que là, il y a du subjectif, il y a de l'intérêt personnel qui rentre en compte. Ça, c'est agréable. Déjà, il faut distinguer quand c'est beau. On arrive normalement, quand on dit « Ah, c'est beau » devant un tableau, devant quoi que ce soit, on est censé être capable de juger, pas juste pour nous, mais pour le monde entier. On dit « Cet objet est beau ». Peu importe l'intérêt que j'en ai, si l'objet ne me sert à rien et que je le trouve quand même beau, c'est que là, vraiment, je le trouve beau, pas juste agréable. Et du coup, en fait, déjà, la beauté, c'est désintéressé. Il n'y a aucun intérêt personnel qui doit rentrer en compte dedans. Ça, c'est la première étape, distinguer beau et agréable. Et du coup, quand on dit « c'est beau », on a l'impression que tout le monde va être d'accord avec nous. C'est presque universel, c'est objectif. Ça fait partie de l'objet d'être beau. Et c'est pas juste par rapport à mes goûts ou à mes envies. C'est pas juste de l'agréable, c'est plus que ça. Et aussi, Kant dit, quand un objet est beau, une œuvre est belle, il y a un libre, entre guillemets, libre jeu des facultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, les facultés, pour lui, il parle de l'entendement, la raison, la capacité à réfléchir, et l'imagination. Et pour lui, ces deux facultés dans notre esprit se renvoient la balle. Il y a un ping-pong entre entendement, réflexion et imagination. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer entièrement l'œuvre. Ça nous stimule, mais on n'arrive pas à en faire sens, à la comprendre totalement. Du coup, on essaie de l'aborder dans notre tête de différentes façons, en réfléchissant, en imaginant, et il n'y a rien qui suffit. Et du coup, il y a un libre jeu des facultés, et c'est ça le plaisir esthétique d'après Kant. Quand on trouve quelque chose de beau, c'est d'une part qu'on arrive à se détacher de notre intérêt personnel, c'est pas juste qu'on a envie de manger le plat ou envie d'habiter la maison, c'est que c'est beau, qu'on trouve ça beau objectivement, qu'on pense que tout le monde devrait être d'accord avec nous pour trouver ça beau, et aussi parce que notre esprit n'arrive pas à l'expliquer totalement, ni par la réflexion, ni par l'imagination. Et du coup, ça stimule et ça fait un petit titillement de « Ah, j'ai pas les mots, on n'a pas les mots ». Et c'est ça qu'on trouve beau. Il faudrait aussi distinguer ça du sublime. Le sublime, c'est encore autre chose, sans rentrer dans les détails. Souvent, le sublime, c'est face à la nature. Donc c'est pas quelque chose de créé par l'humain, et c'est quand, je sais pas, un océan, une montagne nous rappelle à notre petitesse. On va dire, ah ouais, en fait on est rien du tout quoi. On a du respect pour la nature, et on se rend compte que, en fait on est rien, et on peut rien faire, et on pourrait mourir d'un instant à l'autre tellement la nature nous surpasse. Ça c'est le sublime. Il y a beaucoup de textes magnifiques de Kant et d'autres auteurs de fin 18e qui parlent de ça. On va pas rentrer dans le détail, mais du coup, il faut aussi faire attention à pas mélanger sublime et beau. Mais du coup, déjà, le beau, c'est objectif, c'est désintéressé. Alors que l'agréable, c'est subjectif et c'est intéressé. Et le sublime, c'est face à la nature, et c'est une sorte de respect et de peur presque. Face à la grandeur et à l'immensité de choses qu'on ne peut pas contrôler, et on sait qu'on n'aura jamais aucune influence sur ces choses-là. Ça, c'est le sublime. Donc, il faut faire attention à ça. Mais du coup, peut-être que cette idée-là de beauté désintéressée, qui est vraiment la définition classique face à une œuvre d'art du jugement esthétique, qu'on a hérité de Kant, et qui encore aujourd'hui se tient plutôt pas mal dans l'argumentation, peut-être que ça vous convainc pas entièrement et que vous dites quand même oui, mais non, moi il y a des trucs que je trouve pas beaux, que d'autres trouvent beaux, donc voilà. Et là, on peut rentrer dans un autre texte. On va assez vite, hein, je sais, mais je sais que le podcast commence à être long, j'essaye de ne pas vous saouler trop. Un philosophe irlandais, je crois, David Hume, qui lui parle justement du jugement esthétique aussi et du fait que bah, le goût esthétique, le rapport à l'œuvre, ça se travaille. C'est pas. On ne peut pas tous juger une œuvre avec la même qualité. On n'est pas tous aptes, pas tous formés à apprécier une œuvre artistique. Pour ce faire, un autre exemple musical. Alors, attention, ça va. C'est pas le même style que SCH, hein. Il va falloir se préparer, ça va changer. C'est une chanson extraite de mon album préféré, de la Terre entière, de musique. On met le son à fond. Parce que ça s'écoute fort. Hein. Sachez que ça va un petit peu détonner. Allez, top musique. Ce slogan glitch. Quel plaisir, quel plaisir. On a vibré ensemble, c'est incroyable. C'est un extrait de l'album Sound of Perseverance du groupe Death. La chanson s'appelle Flesh and the Power It Holds. C'est du death metal progressif. Ça date de la fin des années 1990. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de musique, vous avez peut-être trouvé ça insupportable. Sachez que j'ai mis 1 minute 30 d'extrait. La chanson dure 7 minutes. Donc ne me remerciez pas. Ça me fait plaisir de vous faire partager ça. C'est mon album préféré de tous les temps. Je comprends que vous n'aimiez pas, mais justement, c'est là la question que Hume nous pose dans son texte. Est-ce que vous êtes apte à juger cette œuvre artistique? Parce que un goût, un jugement, ça se travaille, ça se fréquente. C'est pour ça qu'il y a des critiques d'art, de cinéma, de musique, de jeux vidéo. Parce que ce sont des gens qui, au fur et à mesure de la fréquentation, certaines œuvres d'art. Moi, j'aime bien parler de fréquentation des œuvres. On fréquente une œuvre comme on fréquente une personne. C'est-à-dire qu'on apprend à la connaître, on la retrouve, voilà, on la fréquente. Et du coup, bah en fait, le jugement, ça se travaille, le goût, ça se travaille. Et il y a des gens qui, s'y connaissant plus que vous et moi, vont être capables d'avoir un jugement plus intéressant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aimer un truc qui est mal jugé par la critique. Ça veut dire que votre goût subjectif, ne rejoint pas l'appréciation un peu plus objective de quelqu'un qui s'y connaît plus, tout simplement. Cet extrait musical de Death, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant quand on s'y connaît un peu plus. C'est, je pense, unique, ce son, ce que vous avez entendu, cet album. Dans le groupe Death, ils n'ont jamais, avant celui-ci, fait un album comme ça. Le son n'était pas le même, n'était pas aussi clair. Dans les sonorités, dans le, je sais pas, l'accordement de la guitare, je suis pas musicien, hein. Au niveau de la voix, death metal progressif, ça veut dire quoi progressif? C'est que c'est un peu lent à se mettre en place, comme Pink Floyd, si vous connaissez, c'est souvent ça, le rock progressif, c'est Pink Floyd, etc. C'est des musiques assez longues, assez lentes à se mettre en place, avec des structures qu'on retrouve au début de chanson, qu'on oublie, qui reviennent après 10 minutes plus tard, des trucs de 20 minutes, etc. Et c'est assez incroyable, autant dans la construction que dans le type de musique, que dans la sonorité. Je vous dis, le groupe n'a jamais fait un album qui ressemble à celui-ci, parce qu'ils ont mis du temps à trouver ce son-là, et parce qu'après, le chanteur est mort. Donc voilà, et même après d'autres groupes, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Et c'est pas juste moi qui le dis, parce que j'ai cherché pendant longtemps, j'ai parlé à des gens qui se connaissent mieux que moi, vu que c'est un album qui me tient beaucoup à cœur. Et non, non, d'autres gens confirment, non, effectivement, cet album-là, il est unique dans le son qu'il a. Et du coup, rien que savoir ça, sans même être un expert de l'histoire du métal en général, de quand ça a commencé, etc., etc., bah, rien qu'en ayant un peu plus de contexte, on peut apprécier l'œuvre différemment. Et imaginez, du coup, si vous étiez habitué à écouter du métal, etc., vous pourriez beaucoup plus situer l'œuvre dans un genre, dans un contexte, la comparer à d'autres, et du coup en avoir une appréciation un peu plus objective. Ça n'enlèverait pas votre sensibilité, ça n'enlèverait pas votre goût personnel. Mais votre jugement serait plus intéressant que celui de quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est pour ça, dit Hume, qu'on peut affiner son goût, apprendre à être de plus en plus pertinent en jugeant des œuvres. Et c'est aussi pour ça qu'on peut très bien dire, ce truc-là, cette œuvre que j'aime, objectivement, elle n'est pas super, mais moi j'adore. Et enfin, c'est pas grave de dire ça en fait. Ça remet peut-être un petit peu en cause l'idée d'universalité du beau dont parle Kant. Ou quand il dit quand on trouve un truc beau, on pense que tout le monde devrait le penser aussi. C'est peut-être un peu plus humble, on va dire, comme idée. Mais moi, je sais qu'il y a des séries que j'adore qui sont nulles, objectivement, qui sont, en tout cas, qui sont pas super. Mais moi, j'adore. C'est pas grave. Stargate SG-1. Je pense pas que vous connaissez, c'est un peu vieux, mais vos parents peut-être y connaissent. Série science-fiction fin 90. Franchement, objectivement, pas ouf. Série moyenne. Moi, j'adore. Il y a plein de raisons à ça. La nostalgie. Sûrement une sorte de combinaison du jeu d'acteur, du type d'histoire qui me parle personnellement. Mais voilà, c'est une série pas fameuse, mais que moi j'aime beaucoup. Et du coup, dans le domaine, dans le type de musique qui vous intéresse, vous êtes sûrement plus calé que d'autres. Je parle de rap souvent avec vous, j'y connais pas grand-chose. Je pense qu'il y en a plein qui s'y connaissent plus que moi. Et encore plus si on parle d'autres genres musicaux que je maîtrise encore moins. Et du coup, ça, c'est le travail des critiques d'art aussi. C'est accepter que plutôt que de dire à chacun ses goûts, c'est plutôt dire ok, à chacun ses goûts, mais ça n'enlève pas qu'objectivement, il y ait des œuvres qui soient plus intéressantes que d'autres. Et pour savoir ça, on peut se référer à ceux qui s'y connaissent un peu plus que nous. Voilà. L'idée de Hume, si je la résume très très grossièrement. Encore une fois, la lecture du texte serait peut-être plus intéressante pour bien rentrer dans la précision du raisonnement qui est mis en place par le philosophe. Quelque part, là, on pourrait un peu rejoindre, pour bien expliquer ce que veut dire Hume, l'idée de média immédiat ou de intuitif discursif, des repères qu'on a vus avant, parce qu'en fait, il y a la réaction immédiate face à l'œuvre, et il y a ensuite, grâce à la connaissance du courant ou du type d'œuvre face à laquelle on se trouve, qui permet ensuite de construire un raisonnement, un discours, de la placer dans un contexte, et de ne pas se contenter de dire « Ah, j'aime pas ». Justement, de rester au niveau de l'agréable, comme dit Kant, mais du coup, de plus la comprendre, essayer de comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste. Et c'est aussi comme ça qu'on peut apprécier l'art contemporain dont on parlait tout à l'heure. Duchamp, face à La Fontaine, dire oh, mais c'est pas de l'art, c'est n'importe quoi. Et plutôt que de s'arrêter à ça, essayer de comprendre, de réfléchir, de se poser des questions. Souvent en école d'art, c'est ce qu'ils font, hein. Ils ont une série de questions pour apprendre à juger les œuvres. Bah, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça, c'est les réactions un peu immédiates, que déjà, c'est important de réussir à formuler. Et à partir de ces premiers jugements qui sont personnels, essayer de comprendre qu'est-ce qui provoque ça dans l'œuvre, qu'est-ce qui fait dans l'œuvre que je ressens ça, est-ce que c'est une démarche de l'artiste volontaire, est-ce que c'est cohérent avec le reste de l'œuvre, ou est-ce que c'est juste moi qui ai bloqué sur un détail? En fait, il s'agit juste, quelque part, d'être attentif à ces jugements et de ne pas se contenter d'une réaction intuitive ou immédiate. Et ça se travaille, vous êtes tous et toutes capables de le faire. Ça demande juste un peu d'attention et d'effort pour petit à petit avoir des jugements plus intéressants. Et c'est aussi pour ça que le à chacun ses goûts, encore une fois, c'est peut-être une formule de politesse quand on n'a pas envie de discuter ou de se prendre la tête, mais ça vaut le coup. Et moi, c'est ce que je fais même avec mes amis dans la vie privée. Quand on me dit, ah, j'aime trop ça, mais je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes? Et c'est même avec mes élèves plus jeunes, quand on parle, quand je leur demande de faire un exposé sur un livre, un artiste, et qu'ils me disent, bah, j'aime bien parce que c'est de l'action. Il dit, bah non, non, ça c'est nul. Et pourquoi t'aimes bien? Qu'est-ce qui précisément fait que tu apprécies? Et du coup, rentrer dans les détails, et ça peut se travailler dès le plus jeune âge. Hein. Essayer de dire, bah, c'est le rythme, c'est le jeu des acteurs, c'est l'ambiance, l'atmosphère qui est par l'image, par le décor, etc. Voilà, c'est vous êtes tous et toutes capables, encore une fois. Et ça permet d'affiner son jugement esthétique. Voilà, tout simplement. Et du coup, les critiques d'art sont pas des gens incroyables et bizarres qui détiennent la vérité par rapport à une œuvre. C'est juste des gens un peu plus objectifs, parce que plus habitués et parce que plus attentifs à leurs réactions et un peu plus méthodologiques peut-être dans leur approche d'une œuvre. Voilà. Là, on a plus ou moins traité, on va dire, les problèmes esthétiques basiques. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? D'ailleurs, on n'est pas rentré dans les détails de qu'est-ce qu'une œuvre d'art, parce que c'est des questions très compliquées de philosophie contemporaine, mais je vous le donne, je vous le glisse comme ça pour le petit kiff. Quand on demande qu'est-ce qu'une œuvre d'art, nous on a réfléchi du coup à la dimension historique, au fait que le sens du mot est changé à travers l'histoire, aussi que les artistes aimaient jouer avec la définition de l'art pour nous remettre un peu en question, mais on peut même aller plus loin que ça. C'est un champ de la philosophie assez précis, mais par exemple, une musique. Quand est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est au moment de la partition, quand l'artiste note les notes sur le cahier? Est-ce que c'est quand elle est jouée en live? Est-ce que c'est quand elle est enregistrée sur un CD? C'est quand que ça devient une œuvre d'art? Vous voyez, là, c'est ouf. Rien que la question, normalement, elle vous fait mal à la tête. Et je vous rassure, c'est pas un truc qu'on vous demande en terminale. Mais vous voyez qu'il y a d'autres questions encore plus précises et tout aussi intéressantes qui peuvent rentrer en compte. On pourra parler ensemble, si besoin en classe, de choses qui vous intéressent. On a aussi ensuite vu du coup la création artistique. Est-ce que les artistes sont des génies, sont des artisans, sont juste des travailleurs? La distinction un petit peu entre le génie et le travail, l'opposition entre Kant et Nietzsche. Et on a enfin aussi vu du coup qu'est-ce que c'est la beauté et comment on peut juger d'une œuvre et dire qu'elle est belle, pas belle, faire attention à ne pas être intéressé, à distinguer le beau et l'agréable, et aussi peut-être accepter que nos goûts ne sont pas forcément en lien avec la qualité de l'œuvre et qu'on n'est peut-être pas les plus à même de juger de la qualité d'une œuvre quand on ne s'y connaît pas trop, avec Hume. Il nous reste encore un dernier problème à traiter, qui est le rapport entre l'art et la vérité, qui est une question qui, je sais que vous paraît pas intéressante, ou en tout cas qui vous, on va dire, qui vous intéresse moins peut-être que celle sur la beauté, mais qui pourtant est très intéressante en philo. Je vous propose peut-être de faire un autre podcast sur ça, parce que là, ça fait déjà 1 heure que je parle. Donc je pense que je vais arrêter là pour celui-ci, vous l'envoyer, vous allez recevoir dans la journée, et je vais en faire un autre, voilà, un peu plus tard, dans 2-3 jours. Vous l'envoyer, ça sera l'autre partie du cours sur l'art en podcast. Dans le cours écrit, tout est ensemble. Hein. Mais voilà, vous vous arrêtez, si vous lisez, à qu'est-ce que l'art nous rapproche-t-il de la vérité, un truc comme ça, je crois. Et voilà, ça sera l'autre podcast. Comme ça, on se quitte, bons amis. Je vous ai pas trop saoulé, j'espère. J'espère que c'était agréable à écouter. Vous pourrez me faire vos retours s'il y a des choses que je pourrais modifier. J'espère que le montage est pas trop horrible et que le résultat final à l'écoute n'est pas désagréable, parce que je pense pas passer 1000 ans sur le montage. Encore une fois, j'ai d'autres choses à faire. Et puis ça, c'est des heures sup que je fais là pour vous. Hein. Dans la loi, si je peux pas faire court, je peux pas faire court. Pas censé compenser en faisant des podcasts. Donc ça me fait plaisir, mais pas non plus déconner trop non plus. Voilà. Écoutez, on se quitte là-dessus. Avant de partir, je vous invite, en plus de lire le cours à l'écrit, peut-être si vous l'avez encore sous la main, regardez le manuel de philo. Je fais référence aux pages dans le cours, parce que vu que c'est un chapitre sur l'art, dans le manuel, il y a des exemples d'œuvres qui peuvent être intéressantes. Et quelques passages du livre qui parlent de ça aussi, des problèmes que je traite, qui donnent d'autres exemples visuels, ce qui peut aider à réfléchir. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, quand vous travaillez ce cours, parce qu'il ne s'agit pas juste du coup de lire et d'écouter, mais aussi de réfléchir un petit peu, comme je vous l'ai dit, d'essayer de comprendre les théories qu'on vous donne, de les appliquer vous-même pour voir si vous avez bien réussi à les restituer, de regarder les pages du livre, du manuel de philo que vous avez, où il y a plusieurs œuvres qui sont affichées. Voilà, sur ce, bon courage pour cette fin d'année, cette dernière ligne droite, je sais qu'elle est dure, vous avez beaucoup de devoirs, donc je compatis. Et du coup, même si je compatis, n'oubliez pas qu'il y a bien sûr une seconde partie à ce podcast qui conclura sur d'autres questions un peu plus précises quant à l'art et la vérité, si je ne me trompe pas. J'enregistre ça bien longtemps après avoir fait le cours, donc je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, ne croyez pas Monsieur Mauger du présent, croyez Monsieur Mauger du passé dans le podcast. Il sait mieux que moi. Voilà. Bravo d'être arrivé jusque-là et bon courage pour la suite, à la fois pour l'écoute de ce podcast et pour tout le reste, bien sûr. Allez, on se retrouve. Bah, c'est en fonction de vous, ça. Quand est-ce que vous lancerez la suite? Mais on se retrouve en tout cas. Au revoir.